As-tu parlé, mon ami ? Dit Adeline en lui voyant un front soucieux. Non, répondit Hector, mais je suis assommé d'avoir entendu parler pendant 2 heures sans arriver à un vote. Ils font des combats de paroles où les discours sont comme des charges de cavalerie qui ne dissipent point l'ennemi. On a substitué la parole à l'action, ce qui réjouit peu les gens habitués à marcher, comme je le disais au maréchal en le quittant. Mais c'est bien assez de s'être ennuyé sur les bancs des ministres. Amusons-nous ici. Bonjour la chèvre, bonjour chevrette. Et il prit sa fille par le cou, l'embrassa, la lutina, l'assit sur ses genoux et lui mit la tête sur son épaule pour sentir cette belle chevelure d'or sur son visage. Il est ennuyé, fatigué, se dit Madame Hulot. Je vais l'ennuyer encore. Attendons. « Nous restes-tu ce soir ? » demanda-t-elle à haute voix. « Non, mes enfants, après le dîner, je vous quitte. Et si ce n'était pas le jour de la chèvre, de mes enfants et de mon frère, vous ne m'auriez pas vue. »